إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وأطيعوه فما شقي بطاعة الله أحد وما سعد بمعصية الله أحد عباد الله ثقوا بوعد الله على صالح الأعمال واجتهدوا لحسن العاقبة والمآل فربكم شكور عليم غني كريم يدعوكم للتقرب إليه بما يحب وهو غني عن الطاعات ويحذركم من العصيان وهو لا يضره من أقام على المضيقات قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وقال سبحانه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكونوا أيها الناس على خوف من وعيد الله فما نزل بأحد إلا أرداه وما أحاط بمعرض وغافل إلا عذبه وأشقاه قال الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى عجبا لمن يعمل للدنيا وينسى الآخرة فالدنيا تنال بعمل وتنال بغير عمل لمن كان عاجزا عن العمل أما الآخرة ونعيمها فلا تنال إلا بعمل قال الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون عباد الله لقد نزل بكم موسم عظيم وشهر كريم تتنزل فيه الخيرات والبركات وتكفر فيه السيئات شهر رمضان الذي فضله الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهور رمضان وأعظم حرمة ذو الحجة رواه البزار وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان زمن رمضان مبارك جمع الله فيه العبادات الصيام مع الصلوات الزكاة لمن زكى فيه والصدقات والحج الأصغر يعني العمرة وكثرة تلاوة القرآن وأنواع الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقية الطاعات لمن أراد أن يستكثر من القربات فأسباب الخير فيه كثيرة ظاهرة وأسباب الشر في رمضان قليلة صاغرة ويحال فيه بين الشياطين وبين من تريد وبين ما تريد من الإفساد والغواية للمسلم وصده عن الطاعات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين رواه البخاري ومسلم وأنواع الثواب والنعيم في الجنة لأنواع الطاعات والعبادات في الدنيا فكل طاعة لها ثواب ونعيم قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب يدعى الريان ويدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا رواه البخاري ومسلم وأعظم تكريم لمن دخل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم وهو جزاء الإحسان لعبادة الله كأن المسلم يراه قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم كما في حديث سلمان فالجزاء من جنس العمل كما أن أنواع العذاب لأنواع المعاصي فأكل الزقوم وشراب الحميم جزاء أكل الربا والحرام وشراب المسكر والمخدرات وصب الماء الحار على الرأس جزاء الكبر والتعاظم على امتثال الشرع قال تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم فالجزاء من جنس العمل في الدنيا والآخرة أبشروا أيها المسلمون ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه برمضان فقد كان يبشرهم به في آخر شعبان ليستعدوا فاستقبلوا هذا الشهر بكل خير وأعدوا له العدة فاستقبلوه بالإخلاص لله والاحتساب والفرح الشديد بأن الله بلغكم إياه قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فاستقبلوه بالتوبة من كل ذنب ليمحو الله به ما سلف من الذنوب واستقبلوه برد المظالم لأهلها وإعطاء الحقوق لأهلها ليحفظ لك ربك الحسنات ويكفر عنك السيئات وتذكر أنه سيأتي يوم لا تدرك رمضان فكن مستعدا للموت وما بعده من الأهوال واحفظ صيامك من اللغو والرفث والغيبة والنميمة وقول الباطل والمعاصي والنظر إلى المحرمات واحفظ قلبك من خواطر السوء فإن مداخل الشيطان على الإنسان هي خواطر السوء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر رواه الطبراني في الكبير وقال المنذري إسناده لا بأس به وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود والترمذي وعن أبي عبيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة أي وقاية ما لم يخرقها رواه النسائي والطبراني في الأوسط وزاد قيل وما يخرقها قال بكذب أو غيبة وليعظم المسلم ثواب صيامه بكثرة الطاعات والقربات في رمضان من تلاوة القرآن فإن رمضان هو شهر القرآن نزل فيه وكثرة الذكر والاستغفار والصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرتها والصدقات والهداية ابتغاء وجه الله وأنواع الإحسان كتعليم العلم والأمر بالخير والحث عليه والنهي عن الشر والتحذير منه فكثرة الطاعات مع الصيام تزيد في ثواب الصيام ومن فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء ولا تزهدن أيها المسلم في التراويح والقيام لا سيما الاجتهاد في ليلة القدر في العشر الأواخر وصيام رمضان كفارة للذنوب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال التمسوها في العشر الأواخر فمن قامها إيمانا واحتسابا ثم وفيت له أو وفقت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أحمد والطبراني في الكبير واحرص أيها المسلم على صلاة الجماعة وبها يحفظ الله العبد ويتولى أموره ويسدد أحواله ومن ضيع الصلاة ذهبت دنياه وأخراه ومتع في الدنيا متاع البهائم وقيل له يوم القيامة ادخلوا النار مع الداخلين وفي الحديث من صلى العشاء مع الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله رواه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه ومما تعظم به الخسارة ويحرم به العبد الخير الصيام مع ترك الصلاة أو ترك بعضها ومن تضييع العمر وساعاته السهر على اللهو واللعب أو تتبع المواقع المفسدة ومشاهدة المسلسلات الضارة الهابطة المدمرة للأخلاق ويعظم الخذلان والخسران بالاشتغال بها في هذا الشهر عن القربات قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عباد الله اجعلوا لكل ذنب توبة وقد أفلح التائبون وتعس المصرون المذنبون قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذا الشهر شهر التوبة من أعظم الذنوب التي تجب التوبة منها شرب الدخان فطيب فمك أيها المسلم من شربه وطهر فمك منه لذكر الله وتلاوة القرآن وتطيب رائحتك للصالحين والمجالسين وللملائكة الكرام الكاتبين فشرب الدخان يقرب الشيطان ويفسد الدم ويجلب الأمراض الفتاكة ويقصر العمر وقواعد الشريعة تحرمه واعلم عباد الله أن الصيام تجب نيته من الليل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي الحديث من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه وإن صام الدهر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah et obéissez-lui. Personne n'a été malheureux par l'obéissance d'Allah et personne n'a été heureux en désobéissant à Allah. Serviteur d'Allah, soyez convaincus de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les bonnes œuvres que vous faites et faites des efforts pour obtenir la bonne conclusion et la bonne fin dans votre vie. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant et omniscient. Il se suffit à lui-même et il est noble et généreux. Il vous appelle donc à vous rapprocher de lui parce qu'il aime. Alors qu'il n'a pas besoin de vos actes d'obéissance. Et il vous met en garde contre la désobéissance et les péchés, alors que les péchés que vous faites ne lui font aucun tort. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Quiconque fait un bien, c'est pour lui-même. Et quiconque fait du mal, eh bien c'est contre lui-même. Et ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. » Et donc, vous devez craindre votre Seigneur par rapport à la menace qu'il vous a fait part, dont il vous a fait part dans sa révélation, de la désobéissance pour celui qui désobéit. Et faites attention également, lorsque vous faites des œuvres, de ne pas travailler uniquement pour la vie d'ici-bas et d'oublier l'au-delà et la vie après la mort. Parce que vous avez été créé pour ce qu'il y a après la mort. Et donc, si vous voulez obtenir les biens de votre Créateur dans l'au-delà et les délices qu'il a préparés pour les croyants, eh bien, il faut pour cela les mériter. Et on ne peut les mériter qu'en faisant les bonnes œuvres et en s'écartant des péchés. Serviteur d'Allah, sachez que vous approchez d'un mois béni, d'un grand mois dans lequel on peut obtenir tout le bien et les bénédictions qui descendent du ciel, et par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala permet aux serviteurs de faire effacer et d'expier ses péchés. Et c'est le mois du Ramadan que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré et dans lequel il a mis tant de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le mois du Ramadan, c'est le maître des mois, le plus important parmi les mois de l'année, puisque dans ces mois-là, dans ce mois, on peut faire beaucoup d'actes d'adoration et d'obéissance et les récompenses sont multipliées. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le Coran, le mois du Ramadan dans lequel le Coran est descendu, il a été révélé comme une guidance pour les hommes et des preuves claires de la guidance et du discernement. Le temps du mois de Ramadan est un temps béni. Et dans ce mois-là, beaucoup d'actes d'adoration sont réunis. Le jeûne et les prières, la zakat pour celui qui donne sa zakat pendant ce mois, les sadaqat, les aumônes et les œuvres de charité, le petit pèlerinage, c'est-à-dire la umrah, et la récitation du Coran, et les différentes formes de rappel et de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et tous les autres actes d'obéissance. Il est recommandé et encouragé d'en faire le plus possible pendant ce mois-là. Et les causes du bien dans ce mois sont nombreuses et sont apparentes. Et les causes du mal sont limitées et diminuées dans ce mois. Et les croyants sont protégés, ou bien plutôt, les diables n'arrivent pas à les tromper ou à les égarer aussi facilement que dans le reste de l'année, puisque comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que lorsque le ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc ça veut dire que les croyants ont plus de facilité à faire le bien pendant ce mois-là que dans les autres mois de l'année. Et il y a pendant ce mois-là beaucoup de biens, beaucoup de récompenses que Allah subhanahu wa ta'ala a préparées pour les croyants. Et sachez que les récompenses que vous allez obtenir correspondent aux actes d'obéissance que vous faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié qu'il y a dans le paradis une porte qui s'appelle la porte de Ar-Rayyan. Et on va appeler par cette porte tous ceux qui avaient l'habitude de jeûner. Hein? Et ceux qui vont y rentrer, ils n'auront plus jamais soif. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et parmi les plus grandes formes d'honneur que Allah subhanahu wa ta'ala fait aux croyants dans l'au-delà, une fois qu'ils sont rentrés au paradis, c'est de leur permettre de voir et de regarder le visage, le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la récompense de l'excellence dans leur adoration qu'ils ont eue lorsqu'ils ont adoré Allah comme s'ils le voyaient. Eh bien Allah les récompense pour cette forme de bienveillance et d'excellence en leur permettant de regarder son visage dans l'au-delà. Et c'est ce qu'on appelle al-ihsan. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala dit « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً » Donc ceux qui ont fait preuve d'ihsan dans leurs adorations, d'excellence et de perfectionnement, eh bien ils auront al-husna et plus encore, c'est-à-dire ils auront le paradis comme récompense et plus encore, c'est-à-dire le plus, comme ça a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rapporté également dans les hadiths, que le plus, al-ziyada, c'est le fait de pouvoir regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Il n'y a pas de délice plus grand pour le croyant et de récompense plus grande dans le paradis que de pouvoir regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les récompenses et la rétribution correspondent aux actions qu'on fait. Et également les péchés et les punitions se correspondent également. C'est-à-dire que les châtiments que reçoivent les désobéissants et les pécheurs correspondent également aux péchés qu'ils ont commis dans cette vie d'ici-bas. Alors prenez garde de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais vous tombez dans la désobéissance d'Allah, eh bien précipitez-vous à la repentance. Car at-tawbah, la repentance, c'est quelque chose qui fait que tous les péchés sont effacés lorsque la personne qui se repent est sincère. Et le ramadan est le mois de la repentance. Donc lorsque vous approchez du ramadan, essayez de vous préparer à ce mois en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour vos péchés et en vous repentant de vos désobéissances pour commencer votre ramadan avec une page blanche. Hein? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mentionné que la repentance efface tout ce qui a été fait auparavant. Donc par le fait de se repentir et de demander pardon et de revenir sincère dans notre repentance à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on peut commencer le ramadan en beauté avec une page blanche sans péché dessus. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle à ses compagnons lorsque le ramadan approchait. Et il leur disait de se réjouir. Et il leur rappelait du bien de ce mois-là, lorsque le mois de Sha'ban était à sa fin. Et nous sommes présentement dans la fin du mois de Sha'ban. Et donc il faut se préparer pour ce mois-là. Donc accueillez ce mois en vous préparant. Accueillez ce mois avec la sincérité envers Allah, l'ikhlas, et en faisant les actes pour Allah subhanahu wa ta'ala et en cherchant de lui la récompense. Et réjouissez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala vous ait donné la grâce et vous ait permis d'atteindre ce mois. Et demandez pardon pour tous vos péchés. Et il y a dans le fait de jeûner le mois de Ramadan une expiation des péchés qu'on a fait, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith que d'un Ramadan à l'autre il y a une expiation pour les péchés qui ont été faits entre les deux. Min Ramadan ila Ramadan kaffaratun lidhunub. Donc profitez de cette occasion pour que Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne de ces péchés là et souvenez-vous qu'il y a un moment qui va venir où vous ne pourrez pas atteindre ce Ramadan, et en même temps rappelez-vous de la mort et préparez-vous à rencontrer votre Seigneur si jamais Allah subhanahu wa ta'ala décide de vous rappeler et de prendre votre âme. Et préservez également votre jeûne des péchés lorsque vous êtes en train de jeûner, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est médisance, de tout ce qui est divertissement ou distraction, des choses qui peuvent vous éloigner du rappel d'Allah et de l'obéissance. Et écartez-vous également de dire des choses fausses ou de dire des mensonges ou de faire des péchés ou de regarder des choses que Allah vous a interdit de regarder. Et préservez également votre cœur de toutes les suggestions mauvaises, car le shaitan entre en l'homme en lui faisant des suggestions mauvaises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté également, comme ça a été rapporté de lui, qu'il a dit que certaines personnes vont faire le jeûne, mais ils ne vont rien gagner de ce jeûne que la faim et la soif. Et d'autres vont prier la nuit et ils ne vont rien gagner de cette prière la nuit excepté le manque de sommeil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, que celui qui n'a pas délaissé la parole mensongère et le fait d'agir incorrectement, de faire des péchés, eh bien Allah n'a pas besoin de son jeûne, il n'a pas besoin qu'il cesse de manger et de boire si c'est uniquement pour continuer à faire qu'est-ce qu'il fait dans le reste de l'année. Puisque les péchés que quelqu'un fait, c'est interdit, que ce soit le Ramadan ou non. Mais lorsque c'est dans le Ramadan, c'est encore plus mauvais, c'est encore plus grave. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du jeûne que c'est un bouclier, que c'est un bouclier. Et il a dit, c'est un bouclier tant que tu ne le brises pas. Et les compagnons ont posé la question, qu'est-ce qui le brise au messager d'Allah? Et il a répondu en disant, le mensonge et la médisance. Donc n'annulez pas et ne brisez pas votre bouclier. Et n'annulez pas vos bonnes œuvres en commettant ce genre de péché. Et donc profitez de ce mois de Ramadan également pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour réciter le Coran. Parce que le Ramadan, c'est le mois du Coran. Le Ramadan, c'est le mois du Coran. Le Coran est révélé pendant ce mois. Et profitez également de ce mois pour faire beaucoup d'invocations, beaucoup de dhikr, beaucoup de demandes de pardon, et d'envoyer la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de faire des sadaqat et de donner des cadeaux dans le but de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et son visage, et faire toutes sortes d'actes de bienveillance et de bienfaisance. Et par exemple, le fait d'enseigner la science, d'ordonner le bien, d'inciter les gens à faire le bien, d'interdire le mal et d'avertir contre le mal, et de faire beaucoup de bonnes œuvres de façon générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith que celui qui nourrit une personne pendant le Ramadan, qu'il fait briser, il donne à quelqu'un quelque chose par lequel il va pouvoir rompre son jeûne, eh bien il aura la même récompense que lui, c'est-à-dire il aura la récompense de son jeûne à lui aussi, sans diminuer rien de sa propre récompense. Également, pendant le ramadan, il y a les prières du soir, les prières après la prière de Isha, on fait le tarawih, on fait le qiyam. Et c'est quelque chose qui est recommandé pour les croyants de faire des efforts pendant les nuits du ramadan et en particulier pendant les 10 dernières. Puisque dans les 10 dernières, il y a la nuit de la destinée, qu'on appelle Laylatul Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, celui qui jeûne le mois de ramadan avec foi et en cherchant d'Allah la récompense, eh bien, Allah va lui pardonner tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Et également, selon Abi Huraira radiallahu anhu, il dit, celui qui prie, qui prie pendant les nuits du ramadan avec foi et en cherchant d'Allah la récompense, Allah lui pardonnera tout ce qu'il a fait comme péché précédent. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et également, en ce qui concerne la nuit de la destinée, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Ubadat ibn Samit, cherchez-la dans les 10 dernières nuits. Celui qui prie durant cette nuit avec foi et en cherchant d'Allah la récompense, et puis que Allah lui donne le succès de trouver cette nuit, Allah lui pardonnera tout ce qu'il a fait comme péché précédent et comme péché à venir. Et donc, faites des efforts pour prier avec la jama'a le plus possible, de prier en groupe à la mosquée. Et celui qui fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une grande récompense. Mais celui qui se détourne de cette obligation et de cette chose importante, eh bien, il risque d'être dévié, d'être détourné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith authentique rapporté par Uthman, rapporté par l'imam muslim, selon Uthman radiallahu anhu, que celui qui prie la prière de Isha en groupe, il a prié, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Et s'il prie la prière de Fajr en groupe, c'est comme s'il aurait prié toute la nuit au complet. Donc c'est bien de faire les efforts, et en particulier encore plus pendant le ramadan. Le jeûne, c'est très important et c'est un des piliers de l'islam, mais il ne faut pas penser qu'on peut uniquement faire le ramadan. Parce qu'il y a des musulmans, malheureusement, ils font le ramadan, mais ils ne font pas les 5 prières par jour obligatoires durant le reste de l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est grave. Hein? Et la personne qui agit de cette manière, eh bien, c'est bien possible que son jeûne ne soit même pas accepté. Que son jeûne ne soit même pas accepté parce qu'elle ne fait même pas la salat. Et la salat, c'est 5 fois par jour, tandis que le ramadan, c'est juste 1 fois par année. Et donc, la salat est beaucoup plus importante puisque c'est le lien constant que le croyant doit entretenir pendant toute l'année, pendant tous les jours, 5 fois par jour. Et il a besoin de cette prière pour rester dans une bonne relation avec son Créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas dire, je vais juste faire le ramadan puis je ne fais pas la salat. Ça c'est inacceptable. Hein? Et également, de t'écarter pendant le ramadan, de faire les péchés, de gaspiller ton temps, de rester assis devant la télé, de regarder les chaînes, hein, les séries ou les choses de ce genre. Également, parmi les choses qui sont graves pendant le ramadan et que certains parmi les gens, yani Allah al-Musta'an, on dirait qu'ils font exprès, parmi les shayatin al-ins, pendant le ramadan, ils font des activités, hein, de la musique et des soirées de danse et des soirées de musique, et ils invitent les gens à participer à ce genre de choses-là, et ils les appellent les nuits du ramadan ou les soirées du ramadan. Au lieu de passer leur nuit à prier dans les mosquées avec les croyants, eux, ils vont aller pour faire des péchés, hein, écouter de la musique, danser, se mélanger entre les hommes et les femmes et faire tout ce qui est haram. Donc, imaginez la gravité. Si le péché que tu fais dans le reste de l'année, il est grave, le péché que tu fais pendant ce mois béni est encore plus grave. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. Il y a un frère qui est malade, il a une grave maladie, et puis donc un frère qui m'a demandé de vous demander de faire dua pour lui pendant votre salat. Barakallahu fikum.